tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Homme-animal, une frontière fragile. Une série de Michel Alberganti, réalisée par Manouchak Fachaï. Au départ de cette série, il y a une cohabitation perdue. Ce vieux chat grognon qu'on ne regardera plus du même œil, ou ce cochon d'Inde craintif dont on voudrait désormais lire les pensées. Et puis aussi, tous ces animaux, du cafard à la girafe, en passant par les pigeons boiteux, avec qui on partage notre territoire sans même plus en avoir conscience. Et puis il y a toutes ces images que l'on préférerait ne pas avoir vues et cette certitude que la disparition des abeilles ou des oiseaux ne peut être qu'un très mauvais signe. Et enfin, il y a cette question de savoir si l'élevage peut cohabiter avec le bien-être animal. Alors pour commencer, les personnages. Des brebis, un berger aux petits soins, une auditrice révoltée, un historien qui change de focale, une sociologue de l'INRA, une philosophe sensible au vivant, des militants antispécistes, une employée d'abattoir abattue, un éthologue avec accent et un neurobiologiste qui attend une amélioration. Ensuite, le décor. Une forêt de chênes, des odeurs de thym, des drailles, l'estive et la transhumance, l'industrie partout, la viande comme signe extérieur de richesse, le rêve d'une viande heureuse, des abattoirs, le regard de Franju, 3 millions d'animaux tués par jour en France, la violence, la merde, le sang et des abattages clandestins. Aujourd'hui, troisième épisode, on roule dans la garrigue. Là, on va sur le plateau, là-haut, Fagueras. Paradis, c'est là où je passe quand je reviens de transhumance, fin septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, je suis pratiquement tout le temps là-haut. De là-haut, il y a une jolie vue aussi. On voit la mer, on voit Sète, Agde. En fait, les brebis, elles pâturent là-dedans, hein, à gauche. Ça paraît pas possible. Et pourtant, là en face, les bois, je les fais pâturer. Au mois de novembre, parce qu'en fait les chênes ils font des glands, les glands ils tombent et les brebis sont très friands de glands. Quand je rentre de la garde, je passe une demi-heure dans le bois pour qu'elles finissent en mangeant des glands. Toute la journée j'essaye de leur faire menu en fait, manger un peu d'azote, un peu de ligneux, un peu de glands, c'est vraiment le principe quoi, de la garde quoi. Alors, tu croises des gens qui sont en VTT, qui courent. Bonjour, bonjour, on se promène? Non, je travaille. Hein? C'est rigolo, chaque fois, on se promène, non, c'est le boulot. Le bien-être animal est-il compatible avec l'élevage? Ça me secoue un peu. Je fais partie d'une association qui s'appelle Empreinte. Et alors, on est plusieurs éleveurs, on est une vingtaine d'éleveurs qui pratiquent le même style d'élevage avec. Brebis, chèvres, vaches, et de temps en temps on va chez l'un, chez l'autre, et on regarde un peu les pratiques et on essaye d'évoluer sur nos pratiques, tout ce qui est alimentation, fourrage, report sur pied. Test plante, toi tu l'as fait manger à cette époque, mais moi je l'ai fait manger à telle époque, la bruyère. Vous échangez quoi. On échange et du coup ça nous aide vraiment à évoluer. Une des preuves que le goût de la viande n'est pas naturel à l'homme est l'indifférence que les enfants ont pour ce mets-là et la préférence qu'ils donnent tous à des nourritures végétales telles que le laitage, la pâtisserie, les fruits, etc. Cette citation ne sort pas de la bouche d'un végétarien, mais de la plume de Jean-Jacques Rousseau dans son ouvrage « Émile ou de l'éducation » publié en 1762. Vers la même époque, Benjamin Franklin estimait que manger de la viande, c'est commettre un homicide involontaire. Preuve que le débat sur la consommation de viande est très ancien. Néanmoins, il prend aujourd'hui une acuité particulière en raison du développement de l'élevage industriel qui ajoute à la mise à mort des animaux des conditions d'abattage qui appliquent scrupuleusement les règles du travail à la chaîne. Avec deux victimes. Les animaux, bien entendu, traités d'une façon que certains qualifient de cruelle et d'indigne, les employés des abattoirs aussi, qui souffrent en silence. Cette maltraitance des animaux alimente les mouvements végétaliens ou vegan qui suppriment la viande et toute protéine animale de leur alimentation. Tandis que la consommation de viande reste associée à une élévation sociale dans certains pays, d'autres considèrent que manger des cadavres d'animaux est moralement inacceptable. La nature de notre alimentation se trouve ainsi au cœur de l'interrogation sur la relation de l'homme avec le monde animal. Dans le même temps, les élevages en batterie et les abattoirs industriels sont très éloignés de certaines pratiques, comme celle de Jean-Marie Velasco avec son troupeau de brebis qu'il guide dans la garrigue au sud des Cévennes. Merci. Venez, je vous montre ça après, voilà. Là, on voit un peu votre domaine. Ouais, tout hein? à fait, ouais. C'est là où c'est je passe. Ces fameux 160 hectares. Ouais. Alors, je monte, on voit la dry, en Z, là. C'est ce que vous appelez une dry, c'est le petit chemin des moutons. Donc, il part de la route en bas. Je monte, je vais directement à la Vierge, là-bas, on la voit. Mmh. Sur le rocher. À 9h30, 10h, je suis à la Vierge. C'est mon bureau en fait. Je fais partir les brebis sur la droite. Bon, moi je bois mon café là-bas et tout ça. Après, je les rejoins et on fait le tour. Ça me fait un parcours de 7 heures à peu près. Et là, aujourd'hui, on a 130 brebis. Ça reste quand même un petit troupeau. Un troupeau qui est par contre géré vraiment sur de l'extensif. C'est-à-dire qu'elles sont tout le temps à l'herbe, elles mangent très très très peu de foin. Je donne un peu de foin parce que j'en fais le dimanche si j'ai pas envie de sortir, si je donne du foin, puis moi je peux aussi prendre quelques jours de repos. Ou sinon elles sont à l'herbe toute l'année, je ne donne pas de céréales. Je suis dans un milieu qui est très difficile, c'est vraiment de la garrigue basse, hein. Donc j'ai un troupeau de rouge roussillon, c'est des brebis qui se défendent très très très bien en garrigue. Moi ce que je trouve quand même, c'était un challenge, quoi. Ce que je trouve fabuleux, c'est aujourd'hui d'arriver à faire de la viande sans utiliser de céréales, parce qu'aujourd'hui on ne parle que de ça, hein. Manger un kilo de viande, bilan carbone, etc. etc. Et moi je dis, ouais, mais il y a autre chose aussi, il y a des élevages qui n'utilisent pas de céréales, qui font manger des milieux difficiles. Ces milieux, de toute façon, on ne pourrait pas faire de l'agriculture, parce qu'ils ne sont pas cultivables, et on ne peut pas rentrer avec un tracteur, faire des céréales ou quoi que ce soit. Là, nous, on arrive à faire de la viande, et il y a un plus. On s'est rendu compte qu'en faisant pâturer nos brebis dans les garrigues, ça limite les incendies, ça développe la biodiversité. On ne trouve pas de points négatifs, quoi. C'est super bien géré au niveau de la pâture. Parce que là, bien sûr, il faut toujours garder 30% de la biomasse et tout ça. Mais voilà, quoi, il y a quand même des savoir-faire, il ne faut pas faire n'importe quoi en pâturant aussi. Ben, tout est positif, quoi. Moi, je trouve ça fabuleux. Et aujourd'hui, on peut manger de la viande en se disant, purée, les brebis, elles sont tous les jours dehors. Parce que le bien-être animal, c'est super important aussi. Voilà, ce qui est important, c'est qu'on a l'impression que vous ne les rentrez jamais. Très peu. Donc en fait, elles sont tout le temps dehors, quoi. Et ça, je pense que pour le bien-être animal, c'est super important. Il faut que les bêtes soient heureuses, il faut que les bêtes soient... Moi, j'essaye. Enfin, moi, ma façon de penser, c'est de me dire, voilà, quoi, j'ai un élevage de brebis. Et j'essaye de les mettre dans les situations comme si c'était presque à l'état sauvage. Alors c'est pas possible parce que ce sont des animaux domestiques. Voilà, il faut être là, s'en occuper. Moi j'essaye d'intervenir le moins possible. Mais s'il y a une situation un peu compliquée à la mise bas, je vais intervenir. Voilà quoi. Mais après, sinon, elles sont dehors. Et en plus, j'essaye aussi d'être un peu dans le, un peu comme dans les gros troupeaux. D'animaux sauvages, à un moment donné, ici, il commence à faire chaud, l'herbe commence à sécher, on transhume, et je pars avec elle, en fait, on part à pied, on part de Néfiès, on va jusqu'à Florac, et on passe, bon, on est obligé de passer des fois à travers le village, route, on essaie quand même de prendre les anciennes drailles, les chemins des anciens troupeaux, quoi. Et on monte comme ça, on met une semaine, petit à petit, c'est super parce que les brebis, ben, elles s'acclimatent à l'altitude, elles s'acclimatent à l'herbe qui est en train de changer. Et c'est progressif, on monte tout doucement. Et les bêtes connaissent en plus le chemin. À force, c'est incroyable. Quoi. Elles continuent, on monte tout doucement, puis on arrive à l'estive, l'herbe est bien verte, on reste là-bas pendant 4 mois. Et puis dès qu'il commence à avoir les orages, commence à faire froid, hop, on redescend. On a à peu près 170 km à faire. Tout ça, c'est super. Les brebis, du coup, on le voit, elles sont hyper heureuses, quoi. C'est dehors, souvent, elles partent, elles courent, elles font des sauts comme ça. C'est vraiment fabuleux. Et les agneaux en plein air, quand il y a une centaine d'agneaux, mais il faut voir, quoi. Comme ils jouent, comme ils courent, voilà, quoi. Les bêtes sont heureuses. Ah, il y a Patchwork, Cornelia, Sophie, Catherine, Florette. Il y en a pas mal, ouais, Poésie. Des choses qu'on oublie un peu aussi, parce que souvent quand on en parle avec les autres éleveurs, on s'était pas rendu compte de ça, mais on a fait des petits films là avec Empreinte. Tous les films qu'on a fait, à la fin, on s'est rendu compte que les paysans étaient heureux aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le monde agricole, quand on voit le nombre de suicides qu'il y a, les gens qui s'en sortent pas financièrement, ben nous, dans nos systèmes, en tous les cas, on est heureux, on en vit, et je sais pas, on en parle peut-être pas assez de ça aussi, quoi. Parce qu'après tout, on a choisi. Moi, je ne le subis pas, mon métier. Hein. J'ai vraiment choisi, quoi. J'ai envie d'être avec... J'ai eu envie d'être éleveur berger. Je l'ai fait. Et je regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt, quoi. Il faut quand même des terrains communaux d'une certaine taille. Et ce n'est pas le cas dans toutes les régions. C'est pas le cas dans toutes les régions. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais c'est pas le cas non plus dans toutes les régions où des terres sont si pauvres. Parce que si on part un peu plus, ne serait-ce que dans la plaine que Sondari et tout ça, où il pleut beaucoup plus, tout ça, ici on peut compter une brebis presque un hectare, quoi. Alors que là-bas c'est 10 brebis hectares. Ici on est vraiment dans un milieu atypique, hein, sec. Il y a plein de gens d'ailleurs qui ne pensent pas qu'on puisse faire de l'élevage de brebis. Et là en face, tac, tac, tac, cette colline, c'est l'autre colline à gauche. Et j'ai un copain, il élève des vaches. Il fait de la vache dans le même milieu que ça. Hein. Et les vaches, elles mangent les arbres, le chêne vert, le buplèvre, elles mangent tout. Et il a de super belles vaches, des aubraques, il est en bio, ça marche super bien aussi. Bon, il faut de la place, ça c'est sûr. Et l'envie. Et un peu de savoir-faire. Là, la place existait, il suffisait de la prendre. Tout à fait. Bon vouloir de la mairie. Ça, c'est important quand même. L'élevage de brebis de Jean-Marie Velasco constitue une exception absolue, à des années-lumière des pratiques des élevages industriels qui étaient déjà dénoncées en 1980. Le téléphone sonne, une émission de Claude Guillaume. Mais ce que je trouve déplorable dans un pays comme nous sommes, qui se dit soi-disant civilisé, que l'on puisse accepter que des pauvres veaux qui n'ont pas demandé à venir au monde, bien sûr, soient parqués comme ils le sont pendant jusqu'à leur mort. D'ailleurs, nous avons eu bien souvent des docteurs, des professeurs qui ont dit que cette viande, ils ne parlaient pas d'hormones à ce moment-là, était obligatoirement cancérigène par toute l'adrénaline que dégage ce corps. Moi, j'ai vu des photos de veaux qui avaient des genoux, monsieur, dans un état épouvantable. Vous-même, vous avez constaté que la plupart étaient aveugles parce qu'ils ne voyaient jamais le jour. Pour les porcs, c'est exactement pareil. Si vous saviez, je ne sais pas le porc que vous mangez, monsieur, mais moi je peux vous dire que je voudrais, madame, si vous me permettez un peu élargir votre question, je crois finalement, Pierre Micot, que c'est tout le problème de l'élevage industriel. Oui. Je constate comme vous la gravité de ce problème au sens philosophique du terme, à savoir dans son plan moral. Un homme doit se montrer digne d'un animal et notre civilisation économique, soi-disant, nous a amené à cette évolution de l'élevage dit industriel. Le XXe siècle, c'est la grande époque de l'explosion de la consommation de viande en Occident. Et il y a eu tout un discours de diététiciens, de médecins, etc., pour nous dire que l'homme est carnivore, qu'il faut manger de la viande, que c'est nécessaire, qu'on ne peut pas faire sans, etc., etc. Alors que nous avons eu des dizaines et des centaines de générations d'humains quasiment végétariens auparavant. Éric Baratet, historien, spécialiste des animaux. Donc cette normalité de la viande a fait que, bon, bah, des aspects comme l'élevage industriel, on a pu le mettre en place sans que ça choque personne, ou l'abattage en série a taylorisé à la chaîne, s'est mis en place sans que ça choque personne. Il faut attendre les dernières décennies pour que ça commence à être mis en cause. En plus, c'est un symbole de réussite sociale ou d'avancée sociale qui touche également les pays en voie de développement, comme la Chine. Exactement. D'ailleurs, beaucoup d'éleveurs qui se sentent de moins en moins bien compris en Occident sur leur manière de faire ont tendance encore actuellement à ne pas revoir leur manière d'élever et à penser plutôt on va continuer, mais on va les vendre ailleurs. Bon, ça va sans doute marcher un temps, si ce n'est que, par exemple, dans la bourgeoisie urbaine chinoise, on a un retour du bouddhisme et un retour du végétarisme. À mon avis, là, je pense que les éleveurs, ceux qui ne veulent pas réfléchir un peu à tout ça, vont à terme dans une impasse. Jocelyne Porcher est sociologue et elle travaille à l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, depuis 2003. Elle milite pour le développement d'un système d'abattage à la ferme adapté aux besoins d'éleveurs comme Jean-Marie Velasco. Si on veut arrêter l'abattoir industriel, il faut arrêter la production industrielle, il faut arrêter l'ensemble, quoi. Alors c'est vrai que c'est pas si évident d'arrêter ça du jour au lendemain. Déjà, il faudrait la volonté de le faire. Mais là, on est dans des rapports de force énormes, quoi. Parce que cette production animale, c'est une industrie lourde, qui s'est développée là, depuis 150 ans, la naissance de la zootechnie et du capitalisme industriel, et du fait qu'on a considéré à partir de ce moment-là les animaux comme des ressources, comme toute la nature. C'est ce qu'écrivent les zootechniciens du 19e siècle. Les animaux, c'est des ressources, au même titre que les hauts fourneaux, au même titre que la mine. Et donc, il faut transformer cette ressource avec l'idée de la manière la plus profitable possible. Donc, sortir de ça, c'est changer de paradigme dans nos relations aux animaux, quoi. Avec une volonté politique ferme d'arrêter ça, on pourrait, hein, mais ça va avec quand même notre système économique, hein. C'est des choix politiques de comment on vit avec les animaux, mais aussi derrière comment on vit ensemble. Qu'est-ce qui compte, hein. Tant que c'est le profit qui compte, ben, ces systèmes ont une légitimité dans le monde tel qu'il est, quoi. Si c'est le but, c'est de faire de l'argent, cette production massive de matière animale, elle a une légitimité dans le monde tel qu'il est. Personne n'a osé dire « Regardons comment un animal évolue dans un milieu non contraint et construisons les élevages à partir de cette observation. » Parce que, bien évidemment, comme on me l'avait dit d'ailleurs à l'Institut technique de l'aviculture, soit on fait du bien-être animal, soit on fait de l'élevage. Mais c'est incompatible. Florence Burga, philosophe. Donc aujourd'hui, on voit très bien comment ce terme est profondément idéologique, parce que quand on réfléchit de près aux conditions d'élevage, au nombre d'animaux élevés, à la séparation des individus, aux mutilations qu'on leur inflige, à une durée de vie qui est limitée à l'engraissement, le bien-être animal n'a pas sa place là-dedans. Alors, on peut évidemment raconter que le poulet qui a vécu en élevage bio, label, le meilleur label que vous puissiez trouver, au maximum 90 jours, entre 83 et 90 jours, et qui, passé les 28 jours de couveuse, passe donc un mois en plein air, si c'est ça, simplement le bien-être animal, il faut tout de même s'apercevoir de l'escroquerie. Mais pourquoi ça marche? Ça marche parce que nous tous, nous avons envie qu'on nous rassure et qu'on nous dise, vous savez, les animaux sont heureux dans les élevages, ils sont heureux qu'on les tue, la viande que vous mangez est de la viande heureuse. À la porte de l'Europe, il y a aussi l'abattoir de Gérard. L'établissement municipal de Gérard est malgré l'ambiance spécialisée dans l'abattage des chevaux. Là, en fait, on est dans le square Georges Brassens qui remplace les anciens abattoirs de Vaugirard. Et c'est là qu'en 2012, on a fait démarrer la première marche pour la fermeture des abattoirs. Voilà, on dit à peu près entre 500 et 1000. Aujourd'hui, c'est une manifestation qui réunit environ 3000 personnes chaque année. Donc voilà, le lieu, il est super symbolique, c'est des anciens abattoirs. Et là, on voit qu'ils ont été modifiés, changés, maintenant que c'est un parc où les enfants s'amusent. Une bonne évolution. Effectivement modifié, il ne reste maintenant plus que quelques bâtiments et puis les entrées monumentales avec les taureaux tout autour de ces pièces. Il y a un autre élément significatif aussi intéressant, c'est qu'ici, en 1949, Georges Frangeux a tourné une partie de son documentaire ultra réaliste sur les conditions de mise à mort des animaux, un documentaire fiction qui s'appelait Le sang des bêtes. Après la saignée, le cheval est hissé au châble pour parfaire l'écoulement du sang. Il est ensuite redescendu pour être dépouillé. Et c'était la première fois qu'effectivement était filmé le sort réservé aux animaux dits de bouche. L'animal mort est encore animé de réflexes, manifestation d'une vie purement végétative. Les tueurs et ouvriers des chaudoirs travaillent entourés des vapeurs grises du sang des bêtes. L'atmosphère des abattoirs de Paris, révélée par le documentaire Le sang des bêtes, réalisé par Georges Frangeux en 1949, n'est que la version artisanale des pratiques industrielles actuelles. Dévoiler ce qui se passe aujourd'hui dans les abattoirs français, telle est l'une des missions que s'est donnée l'association L214. Brigitte Gauthier. L214 tire son nom d'un article du Code rural qui existe depuis 1976 et c'est la première fois dans le Code français que les animaux sont reconnus en tant qu'êtres sensibles. Et ça, ça nous paraissait vraiment important. C'est là-dessus que se fonde l'action de L214. C'est parce que les animaux sont des êtres doués de sensibilité, qu'ils ont des émotions, qu'ils manifestent leur désir de vivre, que cette association existe et essaye de faire justement reconnaître cette capacité des animaux à ressentir des émotions et du coup les conséquences que ça devrait avoir sur notre comportement envers eux. Donc voilà, c'est d'où le nom L214. Par rapport à la loi de 2015, comment s'articule cet article ? C'est une mise en cohérence des textes. Donc, d'un côté, on a le code rural, donc qui reconnaît effectivement que les animaux sont des êtres sensibles depuis 1976, mais dans le code civil, non. Ils étaient traités en tant que biens meubles. Alors aujourd'hui, ils sont toujours traités en tant que propriété de quelqu'un, mais avec la reconnaissance quand même qu'ils sont doués de sensibilité. Je vais dire que ça leur fait un peu une belle jambe, parce que être reconnu en tant qu'être doué de sensibilité, mais continuer d'être traité de la même façon, ça n'a rien changé dans le concret de ce qu'ils vivent. Voilà, donc maintenant que le code civil, le code rural et le code pénal sont cohérents, est-ce que maintenant on applique vraiment le fait que les animaux sont des êtres sensibles et on arrête de leur faire subir tout un tas de traitements, de mutilations, d'enfermements, de mises à mort qui sont parfaitement inutiles, qui leur sont dommageables très directement et qui nous sont aussi dommageables par les conséquences que ça a sur l'environnement, la santé publique, le partage des ressources. Et puis, si on parle aussi des personnes qui aujourd'hui vivent de l'exploitation des animaux, aussi bien les éleveurs que les ouvriers d'abattoirs ou les pêcheurs, ils se plaignent quand même beaucoup de leurs conditions de travail et de leurs revenus. Donc, plutôt que de continuer un système qui marche sur la tête, autant essayer d'avancer vers un monde plus juste pour tous les animaux, c'est-à-dire les animaux non humains et les animaux humains. Un de nos objectifs, c'est d'aller à l'encontre des mythes et fantasmes de la viande heureuse. Sébastien Coupel. C'est-à-dire, on voudrait nous faire croire à tout moment que les animaux sont volontaires pour nous donner leur vie, leur corps. Or, lorsqu'on pousse les portes d'un abattoir, lorsqu'on va chercher des images et lorsqu'on les délivre à la société, on peut observer que ce n'est absolument pas le cas, qu'il y a de la contrainte, de la violence et que les animaux résistent et qu'ils tiennent à la vie, comme vous et moi. Et effectivement, cela met en perspective notre rapport aux animaux de manière plus globale. Quelle est notre responsabilité ? Quelle est la responsabilité de la société par rapport à ces animaux, au sort finalement qui leur est destiné avant même qu'ils soient nés ? Aujourd'hui, nous avons sorti plus de 50 enquêtes. Effectivement, c'est très important pour que chacun puisse prendre conscience de la réalité des pratiques dans les abattoirs. En montrant ces images, en montrant la réalité de ce qu'ils vivent et la façon dont on les fait mourir, c'est vraiment remettre en question la légitimité de les tuer pour les manger, alors qu'on sait aujourd'hui qu'on n'en a pas besoin pour survivre. On n'est absolument pas en question de nécessité. Donc pourquoi on continue à faire tuer 3 millions d'animaux tous les jours dans les abattoirs ? Et je ne me suis pas trompée d'unité, c'est bien 3 millions d'animaux tous les jours. En France ? Juste en France, oui, parce que si on parle dans le monde, En France, on tue 1,1 milliard d'animaux terrestres et puis les poissons ne sont même pas quantifiés. Dans le monde, on tue à peu près entre 50 et 60 milliards d'animaux terrestres dans les abattoirs, donc c'est ceux qui sont comptés, hein, et puis plus de 1000 milliards d'animaux marins par an, juste pour la consommation alimentaire. C'est des chiffres, en fait, on ne peut absolument pas se rendre compte. Si on compte, par exemple, si on regarde depuis les débuts de l'humanité, combien d'êtres humains se sont succédés sur cette planète, on est à 100 milliards. Donc on tue 10 fois plus d'autres êtres sensibles chaque année qu'il n'existait d'humains depuis les origines de l'humanité. C'est juste énorme. À l'abattoir de Mauléon, les agneaux sont manipulés sans ménagement. Ils sont étourdis par des charges électriques par l'intermédiaire d'une pince automatique. Mais les ratés sont très fréquents. Beaucoup d'agneaux sont suspendus pleinement conscients. Par commodité, il arrive que les employés tentent d'assommer les agneaux ou les chevreaux qui n'ont pas été étourdis par des coups violents et inefficaces. Mauricio Garcia Pereira fait partie des rares employés d'abattoir ont décidé de faire connaître au grand public la souffrance animale, mais aussi humaine, que masquent les portes closes de ces entreprises. Sébastien Arsac, le cofondateur de L214, et il m'avait donné, me prêté une caméra petite, hermétique, et voilà, j'ai posé dans mon plan de travail, et c'est là que j'ai pu filmer les fœtus, les veaux, dans son utérus, dans sa poche, dans son liquide amniotique. J'ai pu filmer tout ça le moment que je le jette à la poubelle et qu'ils vont partir après dans les camions. Et ça, voir tous les jours, par dizaines de fois, à moi, ça m'a trop marqué. Voilà. Et on vous parle méchamment, avec de mépris, avec violence. Et vous n'avez pas le droit à répondre. Vous n'avez pas le droit à vous révéler. Et combien de fois on m'a dit ferme ta gueule, baisse les yeux. Baisse les yeux et ferme ta gueule et fais ton boulot. Et j'étais pas content, dégage. Voilà, moi, l'abattoir, voilà, c'est un monde d'hommes. Là-bas, c'est très violent, très très violent. Travailler au milieu de sang, de gras, de la merde, par des tonnes et des tonnes, des camions et des camions, des animaux et des animaux, tous les jours. J'ai failli craquer avant et laisser tomber, démissionner. Mais je ne pouvais pas non plus. Si je démissionne, je perds tous mes droits. Et j'ai vu beaucoup de mes collègues, des collègues à moi, que je m'entendais très bien avec eux, qui sont partis pour la petite porte, avec des maladies, avec des tendinites, et psychologiquement très très mal, très très mal. Et voilà, c'est un monde très violent, c'est un monde où on voit la mort. La cadence, c'est entre 30 et 35 bovins à l'heure. Le lundi, par exemple, comme on ne tue pas le week-end, le lundi, c'est le jour le plus long. On commence à 6 heures du matin et on va finir à 17 heures du soir. Voilà, pendant 11 heures de suite, c'est non-stop. À une moyenne de 30 à 35 à l'heure, ben, on peut arriver à tuer, ça dépend du nombre de clients, mais on arrive à tuer entre 380 et 400, et plus de 400 bêtes même. Mais ça, c'est non-stop. La chaîne, il s'arrête jamais. À Limoges, des éleveurs envoient des vaches gestantes à l'abattoir. Épuisées, ces vaches n'auront pas la chance de vivre assez longtemps pour mettre leurs petits au monde. Certains n'ont que quelques semaines. D'autres encore sont sur le point de naître. Quand j'ai découvert l'abattage des vaches gestantes, et moi, à une époque, tout au début, j'ai travaillé sur la chaîne, et des fois, quand je voyais tomber les voyous, un de mes collègues, et ouvre les carcasses des bovins, des vaches et des génisses, tête en bas, mais ils sont plus la tête, pour faire tomber les tripes, pour faire tomber la panse et les voyous. Parfois, à côté, j'ai commencé à voir qu'il y avait une poche rose, parfois petite, parfois grande. Et moi, j'ai commencé à me demander qu'est-ce que c'est ça. J'ai découvert que quelques mois après, qu'est-ce que c'est exactement, après vérification, une triperie, qu'effectivement, qui ont tué des vaches et pleines. Et tous les jours, Et pas une vache, pas deux vaches, c'est tous les jours des dizaines de vaches. Et avec des fœtus plus ou moins développés, mais certaines prêtes même à naître. Et là, je ne croyais pas. La première fois que j'ai découvert ça, ça m'a choqué tellement que je ne croyais pas, franchement. Alors, j'ai appelé un de mes chefs et il m'a dit que c'était normal, que je ne m'inquiétais pas, qu'il faut continuer, c'est comme ça. Et pour quelle raison abat-on des vaches gestantes? Ça peut voilà. On peut se poser la question parce qu'il peut paraître intéressant d'obtenir des veaux un peu plus tard. Exactement. Alors, pour moi, c'est pour contrôler les naissances. Parce que tout ça, c'est qu'on est à l'avance. Si un grossiste a 50 vaches, et de 50 vaches, il y en a 30 qui sont pleines, il va prendre 5 ou 6, comme ça, il sait combien de veaux ils vont naître plus tard. Mmh. Et vous avez, en plus, à l'éleveur, ça le va, parce que comme ça, il y a moins de veaux à nourrir, et il a le prix tout de suite de la vache. S'il y a trop de veaux, ils sont obligés de baisser le prix. Et vous savez combien c'est le kilo de viande de veau de bœuf Limousin? Et en plus, voilà, les vaches gestantes aussi, ils sont plus, c'est ça que je voulais dire. Même si c'est pas de beaucoup de kilos, une vache, quand elle est pleine, il va grossir, hein. Il va avoir quelques, pas beaucoup non plus, mais quelques kilos de plus. Et en plus, je sais pour le service vétérinaire, parce qu'il y a des amis vétérinaires qui travaillent dans les campagnes avec les éleveurs, et ils savent très bien que les vaches, quand elles sont pleines, elles sont plus maniables, plus dociles. Alors, c'est pas un petit abattoir n'importe lequel, quoi. On parlait de l'abattoir municipal plus grand de France. Et c'est la fierté de la région et la race Limousine, connue. Voilà. Comme le disait Gandhi, on reconnaît la grandeur et la valeur d'une nation à la façon dont celle-ci traite ses animaux. C'est vrai que quand je pars en transhumance jusqu'à Lozère, c'est rigolo parce qu'on traverse. Alors je pars avec un copain qui a des brebis aussi. Il en a 150, donc ça fait quand même pratiquement 300 mètres qu'on monte là-haut. Et on traverse des villages assez importants, on prend les ronds-points et tout avec des brebis. C'est rigolo parce que les gens s'arrêtent, on nous regarde, on a l'impression de sortir de notre temps, quoi. C'est chouette, quoi. Alors, par contre, il y a des anciens qui, eux, ont connu la transhumance, puisqu'à l'époque, tout le monde montait dans les Cévennes, hein, d'ici. Hein. Et il y a des anciens qui sont hyper émus, quoi. Moi, j'ai vu des mamées pleurer, attraper le bras comme ça, les larmes aux yeux, nous dire « Oh, ça nous rappelle à l'époque ». Et le troupeau s'arrêtait dans le village, on faisait la fête tout le soir, et le lendemain, ils repartaient. C'est magique, quoi. C'est vraiment... Bon, effectivement, c'est pas la meilleure partie de l'année, hein. C'est pas l'abattage, hein. Ça c'est certain, quoi. Je dirais c'est même le pire, quoi. Mais Jean-Marie Velasco, moi franchement, vraiment mon idéal, ça serait aussi de maîtriser l'abattage, et l'abattage j'aimerais qu'il soit fait à la ferme, parce que là du coup elles seraient abattues à leur lieu de naissance, le lieu où elles ont grandi. Ça finirait la boucle, quoi. Je maîtriserais un peu tout, je serais présent à l'abattage. Moi, j'aimerais bien voir, voilà, un camion qui vient ici. On se met au parc, là où elles ont l'habitude d'être. On trie les agneaux, on monte les agneaux, on les tue proprement. Je suis là, on maîtrise. Alors, sincèrement, sur les agneaux, ça me fait quelque chose, mais ça va. Maintenant, sur des brebis de réforme, je ne sais pas si vous imaginez, mais j'ai 130 brebis. Je passe ma vie avec elles. Quand je suis à la garde, les brebis, de temps en temps, il y a une brebis qui vient. Alors, pas toutes, mais certaines, qui viennent, qui se fait caresser, puis elle repart. Il y a un attachement, je connais toutes mes brebis une par une. Et effectivement, quand je les amène à l'abattoir, ça me fait quelque chose. D'autant plus que j'arrive, j'ouvre la bétaillère, elles me suivent, j'ai pas besoin de les pousser, elles ont confiance, je les mets dans le box. Bon, ça fait quelque chose, mais de toute façon, quand je les réforme, ce sont des brebis, ben voilà, qui sont en fin de vie. Donc qu'elles meurent sous les dents de, je sais pas moi, d'un renard ou d'un prédateur, c'est quand même beaucoup plus terrible que de l'amener à l'abattoir, quoi. Donc oui, ça fait quelque chose, mais ça fait partie de la vie, quoi. C'est comme ça, quoi. C'est un peu un contrat moral. Je m'occupe super bien de vous toute votre vie. C'est couillon de dire ça avec des animaux, mais moi, c'est un peu ce que je ressens. C'est un contrat moral. Je suis là. Si jamais vous boitez, je suis là, je vous soigne. Par contre, je regarde pas, moi, une brebis, même si ça me coûte 300 euros de veto, et je sais que dans l'année, ben, l'agneau, je vais le vendre que 200 ou 250, je vais perdre des sous. C'est pas grave, je soigne quand même ma brebis. J'ai pas que l'économie dans la tête, quoi. Je respecte au maximum. Maintenant, si elle est pas soignable, je la fais abattre, quoi. Mais c'est un contrat moral. Je m'occupe super bien de vous, vous me faites des agneaux. Voilà, quoi. C'est un échange comme ça que j'ai un peu avec le troupeau. Je sais pas si c'est crédible, mais c'est ce que je ressens, quoi. Je fais des enquêtes auprès d'éleveurs. Je rencontre beaucoup d'éleveurs. Depuis 2005 environ, j'entends chez les éleveurs le désir d'alternative à l'abattoir. Jocelyne Porcher, chercheuse, fondatrice du collectif « Quand l'abattoir vient à la ferme ». Par exemple, dans les années 2005, ce que j'entendais, c'est « ça me fait suer d'emmener mes animaux à l'abattoir, j'aimerais bien qu'il y ait autre chose ». Voilà, avec des gens qui disaient que malgré la loi, ils abattaient à la ferme, mais c'était très peu. Et on a refait des enquêtes en 2013 et dans les années 2010. Et là, il s'est avéré que le sentiment par rapport aux abattoirs était le même, c'est-à-dire que ça ne convenait pas. Mais du fait de la diminution du nombre d'abattoirs et du fait de leur agrandissement, le mécontentement était encore plus grand. Et là, on a eu beaucoup plus d'éleveurs qui disaient qu'ils abattaient à la ferme. Ce que les vétérinaires appellent l'abattage clandestin, nous, ce qu'on appelle l'abattage dans l'illégalité, mais qui correspond donc à une demande des éleveurs de maîtriser l'abattage et de le maîtriser à la fois pour des raisons morales dues à la relation aux animaux, l'engagement moral qu'ils ont envers les animaux de la naissance à la mort des animaux, donc d'avoir un regard sur l'ensemble de la vie de l'animal. Et puis aussi vis-à-vis des consommateurs, parce que quand on a fait un bilan de ce que les éleveurs reprochaient aux abattoirs, il y avait un grand volet sur l'opacité des abattoirs et puis le fait qu'ils n'étaient pas sûrs de récupérer les animaux qu'ils amenaient. D'ailleurs, on a beaucoup d'anecdotes qui montraient qu'effectivement, dans certains cas, ils ne récupéraient pas leurs bêtes. Et que donc, du coup, par rapport aux consommateurs, à leurs clients, ils étaient assez mal à l'aise, quoi. Parce que autant ils pouvaient dire qu'ils mettent tout en œuvre pour donner une bonne vie à l'animal et malheureusement pas maîtriser la bonne mort, mais du coup en plus il y avait le fait que ils n'étaient pas si sûrs que ça, que quand ils proposaient leurs produits aux clients, c'était bien leur produit. Donc ça a un malaise moral vis-à-vis des animaux, un malaise moral vis-à-vis des consommateurs. Et donc c'est pour ça que beaucoup, pour lever ces difficultés, ils disent très bien, je vais abattre moi-même. Alors c'est un gros problème parce que du coup, il n'y a pas de tampon vétérinaire. Donc du coup, ça, il faut avoir effectivement ne vendre qu'en réseau. Mais du coup, ça limite le développement de la ferme et du système d'élevage. Quoi, parce que, et en plus, c'est illégal. Donc on risque 6 mois de prison, 15 000 euros d'amende, la perte des primes. Donc on se met en risque du point de vue de son système. Et nous, ce qu'on a trouvé, ce pourquoi on a développé une association, créé une association avec un éleveur qui s'appelle « Quand l'abattoir vient à la ferme », c'est de dire que ce n'est pas normal que c'est les éleveurs qui aient l'expression d'un sens moral envers leurs animaux, qui, eux, risquent la prison, alors qu'on sait bien que dans les productions animales, il y a une violence envers les animaux qui n'est pas du tout sous le coup de la loi. Et du coup, en créant cette association, en ayant des retours d'éleveurs, on a vu qu'on était vraiment dans le bon chemin et qu'effectivement, ça correspondait à une demande réelle des éleveurs. Mais ce qu'on a vu aussi dans le cadre de l'association, quand on reçoit beaucoup de messages, c'est que ça correspondait à une demande des consommateurs. Moi, j'ai quand même 80-100 personnes qui viennent chaque année m'acheter de l'agneau. On en parle parce que l'abattage aujourd'hui, c'est quand même un sujet. Et pas n'importe lequel. Et quand j'en parle avec mes clients, tout le monde, ah oui, mais ça serait super, quoi. Tout le monde le pense, tout le monde en a envie. Et je pense qu'il faut tenir compte aussi des gens qui consomment autrement un peu, en achetant chez les éleveurs et tout ça. Je pense que si on peut aussi aller dans ce sens, ça serait bien, quoi. Il faudrait qu'il y ait une volonté politique et qu'on soit accompagné, quoi. Et c'est l'État, quoi, qu'il faut qu'il y ait cette démarche, je pense, hein. Dans l'abattoir de Pézenas, vous êtes sûr de récupérer la bête que vous avez apportée ? Oui, franchement oui. Et puis moi, ensuite, les bêtes que j'amène, comme je suis à proximité, j'amène mes bêtes le matin très tôt et elles restent quoi, une demi-heure en boxe et elles sont abattues de suite. Quoi. Moi, je ne laisse jamais les brebis en longue durée ni quoi que ce soit. Quoi. Comme je suis à côté, je me cale toujours sur des horaires où ils peuvent me prendre de suite. Quoi. Voilà. Bonjour. Sébastien de 214, je vous ai vu en haut des escaliers, je vous ai donné un tract. On est là pour sensibiliser les Parisiens à la végétalisation de l'alimentation pour un monde meilleur. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est la 34e édition de la Journée sans viande, donc c'est une journée internationale. Sébastien Coupel. Où les animalistes mettent en avant le fait qu'il est possible de manger différemment pour épargner les individus et les animaux. Par ailleurs, plus généralement, le 214 est très régulièrement dans la rue, ici à Paris, en Ile-de-France ou ailleurs, justement pour aller à la rencontre des habitants, aller à la rencontre des Français, pour leur expliquer encore une fois qui sont les animaux et pourquoi nous pensons qu'il faudrait consommer différemment pour cesser de les opprimer. Bonsoir monsieur le 214 de la Veggie Challenge, merci. Vous êtes donc en train de tracter pour L214 ? C'est ça. Pour quelle raison ? Parce que j'aimerais que les gens prennent conscience de ce qui se passe dans les abattoirs et que... qu'aujourd'hui qu'on a des alternatives, que la viande n'est pas nécessaire à notre alimentation pour... voilà. Bonjour, 21 jours pour améliorer le monde. Des sympathisants qui connaissent, d'autres qui sont carrément méprisants, il faut bien dire. Et vous-même, vous êtes végane ? Oui. Madame, excusez-moi, mangez de la viande combien de fois par semaine en ce moment ? Comme Sébastien ? Oui, bien sûr. Trois fois par semaine, pas plus. Facilement 4-5 fois par semaine. Bonjour. J'ai dit, je suis déjà végétarienne. Et j'arrêterai pas de manger de la pas viande. Pas tout le temps. C'est trop bon. Bonsoir, L214. Mais est-ce que vous savez comment ça se passe dans les abattoirs, par exemple ? Oui, je sais. Bonjour, 21 jours pour améliorer le monde. Sébastien Coupel, nous avons accompagné lors d'une distribution de tracts à la sortie du métro République, où on a interrogé des gens qui étaient là et qui ont exprimé leurs difficultés à se projeter dans la suppression de la consommation de viande, alors même que sur les principes, il ne semblait pas en opposition avec ce que vous défendez. Donc c'est une difficulté particulière que de changer son alimentation. Effectivement, je pense que nous sommes tous victimes d'un conditionnement culturel, social, qui est renforcé aussi par le marketing. Tout est fait depuis notre plus jeune âge pour nous faire croire que c'est normal, nécessaire, utile, et que cela n'a pas à être mis en cause. Or, nous sommes aussi là pour montrer, encore une fois, pour dénoncer ce qui se passe dans les élevages et dans les abattoirs, mais aussi pour proposer des solutions, pour végétaliser son alimentation, pour changer ses habitudes de consommation et pour ne plus cautionner finalement ces pratiques qui occasionnent tant de torts et tant de souffrances aux animaux. C'est un changement de mentalité et de pratique qui prend du temps, certes, mais comme tout changement profond et durable, nous sommes là pour accompagner les gens, notamment à travers le Veggie Challenge sur 21 jours, avec des conseils nutritionnels, alimentaires, et des conseils pratiques de manière générale pour justement aider les gens à aller de l'avant. Combien faut-il encore d'exemples pour mettre un terme à ces souffrances inutiles ? De plus en plus de personnes diminuent leur consommation de viande, et j'en fais partie. Il faut que dans les écoles, dans les selfs, dans les restaurants, on puisse enfin avoir le choix de manger végétarien ou vegan. Et personnellement, je me dis que c'est quand même dommage pour les animaux de cohabiter avec 7 milliards de cons. Là encore, j'en fais partie. On peut imaginer beaucoup de choses. Hein. On peut imaginer que tous les restaurants proposent un plat végétalien ou vegan, comme on dit. À ce moment-là, ça pourrait permettre... Florence Burga, philosophe. Eh bien, un groupe d'amis qui serait composé de carnivores et de vegan ou de végétariens, d'aller dans un même lieu, sachant qu'il y a, si vous voulez, que tous les lieux intégreraient la possibilité du repas végétalien. Donc je crois que cette révolution culturelle, elle nous semble énorme aujourd'hui, mais qu'en fait elle pourrait d'une certaine manière passer inaperçue par une banalisation de l'alimentation végétale. Hein. Il y a les simili carnés qui gardent le nom de la viande, l'imitation, le goût, qui sont très convaincants, qui pourraient être banalisés, vendus dans les grandes surfaces, proposés dans tous les restaurants. De même la fausse fourrure, de même le cuir. Voilà, je crois que notre savoir-faire aujourd'hui pourrait permettre, par la banalisation des produits qu'on appelle aujourd'hui de substitution, de faire passer les choses presque inaperçues. Je pense que Les animaux, depuis 2015, en France, sont considérés comme des êtres sensibles. Avant, c'était des objets meubles. Jacques Vauclair, psychologue. Alors, ils sont des objets sensibles, sauf quand ils sont dans notre assiette. Et... C'est un peu le problème, oui. Faudrait-il renoncer à manger de la viande? Personnellement, je ne suis pas un fanatique de viande, mais je vois mal comment on pourrait remplacer la viande pour nourrir l'humanité. Il y a énormément de gens qui ont franchi le pas, pourtant, Jacques Vauclair. Oui, mais ils sont archi-minoritaires par rapport à la population générale. Non, mais ils sont minoritaires, mais ils sont vivants. C'est déjà quelque chose, c'est déjà la preuve. Je ne doute pas une seconde qu'on puisse survivre avec des protéines non animales, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse convaincre la population de faire ce saut. Il y a l'élevage et il y a l'abattage, qui aussi en France pose problème à la suite de certains témoignages de personnes qui travaillent dans ces abattoirs et qui constatent également des façons contestables de traiter les animaux. Donc c'est tout un ensemble finalement de traitements. Oui, tout ça c'est lié au traitement, combien de respect on donne aux animaux et quel genre de vie on donne aux animaux et certaines pratiques peut-être en France Deval, primatologue et éthologue. Il faut l'arrêter. Et moi, je mange presque plus de mammifères à cause de ce problème-là. Mais en fait, je ne suis pas contre manger de viande. Ça, c'est pas, pour moi, ce n'est pas la chose. La grande chose, c'est comment on traite les animaux et avant qu'on les mange, oui. Pareil pour les poissons, je ne sais pas, quand vous dites « je ne mange plus de mammifères », c'est-à-dire vous mangez quoi? Oui, il y a sûrement des poissons et des poulets qui restent alors. Oui. Non, mais ils ne sont pas traités mieux, ils ne sont pas traités beaucoup mieux, non. Vous l'avez mentionné, une autre question qui se pose dans notre relation avec les animaux, c'est l'élevage et la consommation de viande. Quelle est votre position et peut-être votre pratique personnelle d'ailleurs dans ce domaine, à France Deval? Oui, moi je ne suis pas forcément contre la consommation de viande. Il faut dire qu'on utilise, on consomme beaucoup, peut-être beaucoup trop, ça c'est sûr. Mais le cycle de vie, comme biologiste, je ne peux pas être contre. Chaque organisme mange d'autres organismes, dans un sens. Mais c'est le traitement des animaux qui me concerne. Quelle vie est-ce qu'ils ont eue avant qu'on les mange? Et dans un monde idéal, moi je dirais, on réduit fortement la consommation et les animaux qu'on mange, on traite beaucoup mieux que maintenant. Il y a certaines façons d'élevage en Amérique en plus, peut-être pire qu'en Europe, je ne sais pas, mais il y a certaines façons avec le poulet et de vaches qui sont horribles, de cochons, et qui ne sont pas acceptables. Et la seule façon de changer ça, je crois, c'est par les actions de consommateurs, des gens qui regardent d'où ils viennent, leur viande et comment elle a été traitée. Et ça se développe de plus en plus, aussi en Europe, aussi en Amérique, de plus en plus d'organisations qui s'occupent avec, comment dire, raising awareness, comment dire. Prise de conscience. Oui. Je ne pense pas qu'on puisse, dans l'état actuel des choses, imaginer que toute la production de viande se fasse par élevage fermier. Mais si on peut s'en rapprocher, il y a quand même des choses que l'on peut faire dans ce domaine. Donc, bien sûr, c'est du coup par coup. Je pense qu'il faut faire une amélioration au coup par coup. Et en attendant que plus de gens deviennent végétariens, il faut améliorer les choses telles qu'elles sont. Georges Chapoutier, neurobiologiste et philosophe. Donc pour vous, c'est un problème de demande, d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est la demande. C'est bien sûr un problème de demande, bien sûr. L'évolution de la demande va faire évoluer l'offre. Voilà, tout à fait. Regardez le foie gras. De tant qu'il y a une demande, ça va être très difficile de régler les choses. Le jour où il y a moins de demande, et c'est déjà le cas. Hein, je veux dire que dans les pays occidentaux, il y a déjà une réduction de la demande carnée. Ça commence à évoluer dans ce sens-là. Et c'est très bien. Mais il est clair que la consommation ne disparaîtra pas en un jour, puisque même des abominations comme le foie gras sont encore très pratiquées, très consommées. Donc là, ce qu'il faut arriver, c'est à petit à petit améliorer de façon considérable la façon dont on traite les animaux de rente. Alors ça, c'est du coup par coup. Il faut qu'il y ait des caméras dans les élevages, dans les centres d'abattage, pour que le sujet qui ne s'intéresse pas aux animaux ne fasse pas n'importe quoi. Il y a eu des images abominables qui ont circulé sur ce point. Pour les cas les plus flagrants, je tentais de dire, les plus extrêmes, et le foie gras, par exemple, il faudrait arriver à supprimer le foie gras. Ça s'est fait dans certains pays. Alors, évidemment, pas disant ça en France, je fais hurler tout le monde. Mais je pense que la qualité du plaisir gustatif ne justifie pas le gavage tel qu'on le pratique actuellement. Donc, il y a des choses qu'on peut supprimer, des choses qu'on peut améliorer. On peut donner dans les cantines scolaires, par exemple, un ou deux repas végétariens par semaine. Ça serait considérable. Hein. Ça a l'air de rien comme ça. Ça serait absolument considérable, hein, sur le plan du nombre d'animaux. Et moins il y a d'animaux à utiliser, plus à ce moment-là, on peut les traiter correctement. Je veux dire que ceci implique cela. Là, du coup, on va au château de Montpezant, chez Christophe Blanc, qui a une propriété de 30 hectares. Hein, il fait du vin en bio. Et du coup, il m'a proposé d'amener les brebis pâturées avant que les bourgeons sortent, pour pouvoir nettoyer la vigne. Qu'elle consomme toute l'herbe qu'il y a à l'intérieur et du coup faire de ce fait du fumier aussi dans les vignes grâce aux brebis. Alors pour lui c'était intéressant, du coup ça les nettoyait, ça fumait. Et moi de mon côté ça me donne de l'herbe aussi en pleine, qui n'est pas du tout la même du coup que dans l'Écosse. C'est de l'herbe qui est assez riche en azote, du coup les brebis font davantage de lait, les agneaux ils commencent à téter le lait qui est super riche, donc ils ont un super départ. Moi je reste un mois et demi sur Montpezant et ensuite je retourne dans les garrigues. Donc là on voit bien la végétation, l'herbe qu'il y a à l'intérieur. Ah, là il y a tout ce qu'il faut. Là c'est les vignes qui ont été pâturées, à droite et à gauche. Il n'y a plus rien. C'est propre hein? C'est sympa, hein, c'est beau. Hein. Il y a juste des petites fleurs, mais tout est tendu homogènement. Là, c'est un château. Et voilà les bêtes. Boucher au soleil avec les agneaux. Ici, elles appellent. Ouais. Si, elles me reconnaissent. Oh, puis quand je les appelle, elles viennent de bouffer. Certains voudraient imposer un nouveau modèle. Manger les animaux, ce ne sera plus naturel. Oui, ils nous assurent que la viande doit être abolie. La nouvelle mode, c'est de devenir veggie. Nous, on est devenus les vedettes d'Internet. Les vidéos choc nous font tourner la tête. On nous accuse de ne même pas aimer nos bêtes. Toi qui hésites à te lancer dans ce métier, ne laisse pas le choix des autres à toi s'imposer. Aujourd'hui tous ensemble on veut te le chanter. Deviens éleveur, ça ne doit pas être compliqué de parler de notre métier. On en est convaincu, l'avenir est dans le pré. Et on a même vu que l'amour peut s'y cacher. Deviens éleveur et la chance de rentrer dans le cercle très fermé. Un métier captivant dont tu ne peux te lasser. Quel incroyable sentiment de grande liberté. C'était le bien-être animal est-il compatible avec l'élevage? Michel Alberganti, Manouchak Fachaï. Démarche témoignage de pro. Avec Florence Burga, Georges Chapoutier, Sébastien Coupel, Brigitte Gauthier, Mauricio Garcia Pereira, Jocelyne Porcher, Jacques Vauclair, Franz Deval. Nous on demande juste de pouvoir vivre de notre labeur et procurer du bonheur chez tous les consommateurs. Recherche INA, Aude Vincent. Recherche discographique, Romain Couturier. Prise de son, Marcos Darras. Mixage, Manuel Couturier. Végétaux, poireaux et haricots. C'est sûr, la viande me manquerait beaucoup trop. J'arrêterai pas d'en manger de sitôt. Pasito, pasito, qu'on troquera le lait chaud pour des liquides végétaux, de soja, de coco. C'est sûr, les produits laitiers me manqueraient trop. J'arrêterai pas d'en manger de sitôt. Deviens éleveur. Deviens éleveur. Parodie du titre Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee. Parole Barbara Ducreux. LSD, la série documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez fermer l'abattoir, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster en transhumance ou nous réécouter auprès, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et sur Instagram, LSD, la série documentaire pour des photos secrètes de la maison de la radio. Demain, dernier épisode, faut-il conserver une frontière entre l'homme et l'animal ? Et pendant une semaine encore, pour prolonger, vous pouvez regarder gratuitement sur la plateforme Tank du documentaire d'auteur, notre partenaire, Spirale, le film de Marie Daniel qui vous fera découvrir la vie des escargots. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission. Mais dans un instant, on retrouve le journal de 18h.